Bonjour et bienvenue à cette émission centrée sur la science-fiction, le fantastique et la fantasy. Christian Martin au microphone. Aujourd'hui, nous présentons la troisième et dernière partie de Metzengerstein d'Edgar Allan Poe. Votre lecteur, Stanley. C'est une production d'audiocité.net. Néanmoins, de nombreuses invitations de la part du voisinage lui arrivaient périodiquement. Le baron honorera-t-il notre fête de sa présence? Le baron se joindra-t-il à nous pour une chasse aux sangliers? Metzengerstein ne chasse pas. Metzengerstein n'ira pas. Telles étaient ses hautaines et laconiques réponses. Ces insultes répétées ne pouvaient pas être endurées par une noblesse impérieuse. De telles invitations devinrent moins cordiales, moins fréquentes. Avec le temps, elles cessèrent tout à fait. On entendit la veuve de l'infortuné comte Berlifitzing exprimer le vœu que le baron fût au logis quand il désirerait n'y pas y être, puisqu'il daignait la compagnie de ses égaux, et qu'il fût à cheval quand il voudrait n'y pas être. Puisque leur préférait la société d'un cheval. Ceci, à coup sûr, n'était que l'explosion niaise d'une pique héréditaire. Et prouver que nos paroles deviennent singulièrement absurdes quand nous voulons leur donner une forme extraordinairement énergique. Les gens charitables, néanmoins, attribuer le changement de manière du jeune gentilhomme au chagrin naturel d'un fils privé prématurément de ses parents, oubliant toutefois son atroce et insouciante conduite durant les jours qui suivirent immédiatement cette perte. Il y en eut quelques-uns qui accusèrent simplement en lui une idée exagérée de son importance et de sa dignité. D'autres, à leur tour, et parmi ceux-là peut-être citer le médecin de la famille, parlèrent sans hésiter d'une mélancolie morbide et d'un mal héréditaire. Cependant, des insinuations plus ténébreuses, d'une nature plus équivoque, couraient parmi la multitude. En réalité, l'attachement pervers du baron pour sa monture de récente acquisition, attachement qui semblait prendre une nouvelle force dans chaque nouvel exemple que l'animal donnait de ses féroces et démoniaques inclinations, devint à la longue, aux yeux de tous les gens raisonnables, une tendresse horrible et contre nature. Dans l'éblouissement du midi, aux heures profondes de la nuit, malade ou bien portant, dans le calme ou dans la tempête, le jeune Metzengerstein semblait cloué à la selle du cheval colossal dont les intraitables audaces s'accordaient si bien avec son propre caractère. Il y avait, de plus, des circonstances qui, rapprochées des événements récents, donnaient un caractère surnaturel et monstrueux à la manie du cavalier et aux capacités de la bête. L'espace qu'elle franchissait d'un seul saut avait été soigneusement mesuré, et se trouva dépassé d'une différence stupéfiante les conjectures les plus larges et les plus exagérées. Le baron, en outre, ne se servait pour l'animal d'aucun nom particulier, quoique tous les chevaux de son haras fussent distingués par des appellations caractéristiques. Ce cheval-ci avait son écurie à une certaine distance des autres, et quant au pansement et à tout le service nécessaire, nul, excepté le propriétaire en personne, ne s'était risqué à remplir ses fonctions, ni même à entrer dans l'enclos où s'élevait son écurie particulière. On observa aussi que, quoique les trois palefreniers qui s'étaient emparés du coursier, quand ils fuyaient l'incendie de Berlifitzing, eussent réussi à arrêter sa course à l'aide d'une chaîne à nœuds coulants. Cependant, aucun des trois ne pouvait affirmer avec certitude que durant cette dangereuse lutte, ou à aucun moment depuis lors, il eût jamais posé la main sur le corps de la bête. Des preuves d'intelligence particulière dans la conduite d'un noble cheval plein d'ardeur ne suffiraient certainement pas à exciter une attention déraisonnable. Mais il y avait ici certaines circonstances qui eussent violenté les esprits les plus sceptiques et les plus flegmatiques. Et l'on disait que parfois, l'animal avait fait reculer d'horreur la foule curieuse devant la profonde et frappante signification de sa marque. Que parfois, le jeune Metzengerstein était devenu pâle et s'était dérobé devant l'expression soudaine de son œil sérieux et quasi humain. Parmi toute la domesticité du baron, il ne se trouva néanmoins personne pour douter de la ferveur extraordinaire d'affection qu'excitait dans le jeune gentilhomme les qualités brillantes de son cheval. Personne, excepté du moins un insignifiant petit page malvenu, dont on rencontrait partout l'offusquante laideur et dont les opinions avaient aussi peu d'importance qu'il est possible. Il avait l'effronterie d'affirmer, si toutefois ses idées valent la peine d'être mentionnées, que son maître ne s'était jamais mis en selle sans un inexplicable et presque imperceptible frisson, et qu'au retour de chacune de ses longues et habituelles promenades, une expression de triomphante méchanceté faussait tous les muscles de sa face. Pendant une nuit de tempête, Metzengerstein, sortant d'un lourd sommeil, descendit comme un maniaque de sa chambre et, montant à cheval en toute hâte, s'élança en bondissant à travers le labyrinthe de la forêt. Un événement aussi commun ne pouvait pas attirer particulièrement l'attention. Mais son retour fut attendu avec une intense anxiété par tous ses domestiques. Quand, après quelques heures d'absence, les prodigieux et magnifiques bâtiments du palais Metzengerstein se mirent à craquer et à trembler jusque dans leurs fondements, sous l'action d'un feu immense et immaîtrisable, une masse épaisse et livide. Comme les flammes, quand on les aperçut pour la première fois, avaient déjà fait un si terrible progrès que tous les efforts pour sauver une portion quelconque des bâtiments eussent été évidemment inutiles. Toute la population du voisinage se tenait paresseusement alentour, dans une stupéfaction silencieuse, sinon apathique. Mais un objet terrible et nouveau fixa bientôt l'attention de la multitude et démontra combien est plus intense l'intérêt excité dans les sentiments d'une foule par la contemplation d'une agonie humaine que celui qui est créé par les plus effrayants spectacles de la matière inanimée. Sur la longue avenue de vieux chênes qui commençait à la forêt et aboutissait à l'entrée principale du palais Metzengerstein, un coursier, portant un cavalier décoiffé et en désordre, se faisait voir bondissant avec une impétuosité qui défiait le démon de la tempête lui-même. Le cavalier n'était évidemment pas le maître de cette course effrénée. L'angoisse de sa physionomie, les efforts convulsifs de tout son être rendaient témoignage d'une lutte surhumaine. Mais aucun son, excepté un cri unique, ne s'échappa de ses lèvres lacérées, qu'il mordait d'outre en outre dans l'intensité de sa terreur. En un instant, le choc des sabots retentit avec un bruit aigu et perçant, plus haut que le mugissement des flammes et le glapissement du vent un instant encore, et franchissant d'un seul bond la grande porte et le fossé. Le coursier s'élança sur les escaliers branlants du palais et disparut avec son cavalier dans le tourbillon de ce feu chaotique. La furie de la tempête s'apaisa tout à coup et un calme absolu prit solennellement sa place. Une flamme blanche enveloppait toujours le bâtiment, comme un suaire, et ruisselant au loin dans l'atmosphère tranquille, dardait une lumière d'un éclat surnaturel, pendant qu'un nuage de fumée s'abattait pesamment sur les bâtiments sous la forme distincte d'un gigantesque cheval. Mercier, dans l'an 2440, soutient sérieusement les doctrines de la métempsychose. Et J. Disraeli dit qu'il n'y a pas de système aussi simple et qui répugne moins à l'intelligence. Le colonel Ethan Allen, le Green Monien Boa, passe aussi pour avoir été un sérieux métempsychosiste. Edgar Allan Poe. J'ignore quel est l'auteur de ce texte bizarre et obscur. Cependant, je me suis permis de le rectifier légèrement, en l'adaptant au sens moral du récit. Poe cite quelquefois de mémoire et incorrectement. Le sens, après tout, me semble se rapprocher de l'opinion attribuée au père Kircher, que les animaux sont des esprits enfermés. Charles Baudelaire. Et voilà pour la conclusion de Metzengerstein d'Edgar Allan Poe, lu par Stanley pour audiocité.net. Vous trouverez toutes les lectures de Stanley pour Audiocité à www.audiocité.net/stanley.html. Je vous rappelle que toutes les émissions de Space-Temps sont disponibles sur le blog d'Audio Libris à www.audiolibris.net. Merci de votre attention. À bientôt.